Frank. Come on, let's go, Madonna. Ha ragione su suggestione. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com et qui est enregistré à Ottawa, territoire algonquin. Moi, je m'appelle Mathieu et je vais être avec vous pendant environ 60 minutes. Là, je vais faire jouer du Punk Sky Hardcore tout en français. Cette semaine, une bonne émission pour vous. On va jouer du nouveau du groupe Torque et Mada. Je viens de recevoir ça, nouvel album, leur nouveau EP. C'est 6 morceaux, vraiment bon. Alors un peu de tout, un peu de oi, du punk rock, quelque chose d'un peu plus folk. Mais on va pas trop explorer le côté folk cette semaine du groupe, le côté acoustique. On va faire jouer un morceau un peu plus oi, punk rock. Mais ça sera un peu plus tard, parce qu'on va commencer avec du Tue la mort de leur album Des eaux et des bords, sorti l'année passée, le morceau Arnaque salariale. Alors voici du Tue la mort à sous pression. Venir à partir à ceux qui se laissent tomber. ambiguïté. Ou antifasciste, ou affirmé. Tolérance et solidarité, c'est ça notre identité. Skinhead, rentrer rasé, ou vieux feuille de déglinguer. Une vie d'enragée, ou à lutter contre la société. Salut, on vient d'écouter La Gâchette de leur album Dans ta face. C'était le morceau Vérité du Traître. Avant ça, de leur single, deux morceaux. C'était le morceau Un pays à détruire. Embuscade avant ça de leur démo. Je pense que le démo est sorti en 2015. C'était le morceau Embuscade. Et on a commencé avec du Tue la mort de leur plus récent album, Des eaux et des bords. C'était le morceau Arnaque salariale, puis Tue la mort, je sais pas. Ils se sont séparés, puis là, ils font des concerts. Alors, ou en tout cas, ils ont fait une espèce de concert adieu, une couple de mois, puis là, ils font des concerts, alors tant mieux. J'espère qu'ils continuent. Alors, c'est ça, là, on va continuer la musique avec du Torquemada de leur plus récent EP, Génération Guerre Sainte. Très bon groupe. Je vais faire jouer le morceau Démocratie. Alors, je pense le deuxième morceau de leur EP. Bon morceau, alors, du bon punk rock. Voici Torquemada à sous pression. Stop!

j'aurais aimé d'aller ailleurs dans un autre pays. Loin de ce bled que je choisissais, toujours à me poser des questions. Aucune idée au fond de mon cerveau, je savais pas si c'était bien ou non. Mais j'avais envie de me jeter à l'eau, j'en avais marre de faire tout. J'étais prêt à faire le grand voyage, celui dont on n'y revient jamais. Seul dans un livre à la dernière page, quand le coupable s'appelle Maigret. Un grand malgré me transportait, tout seul entre mes quatre planches. Ne connaissais pas mon rush improvisé, j'aurais préféré à la ligne qu'à dimanche. Le meilleur soleil, pour l'identité. Je ne pensais plus à mes 39 heures, ni à tous les innocents fermés, à tous ces vieux qui craignent de peur, quand la jeunesse est agitée. À la crise du pétrole, la montée du yen, aux chérétas et aux méchants russes, que rien n'a la peau de leur système. Je me baladais en face de surveillance. Le réveil a sonné, pour une équité. Toutes les misères du monde, et de toutes leurs putains de guerre, des pédales Rambo et des James Bond, et de leurs bavures policières. J'étais orpheline sur ma planète, je pensais quand même à toi, car ton image est gravée dans ma tête. Je sais qu'un jour on se retrouvera, réprimé, réveil à soleil, réprimé, pour qu'il meurt, réprimé, pour qu'il Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Suppression. On vient d'écouter Les Rapaces de leur album Contre coup de la récession. C'était le morceau Rêve brisé. Impact avec Émeute, contingent anonyme de leur album Ad Gloriam. C'était le morceau Avant la guerre. Et avant ça, c'était le groupe Torquemada de leur EP Génération Guerre 5, le morceau Démocratie. Torquemada et contingent anonyme ont fait un split ensemble. Ça fait pas longtemps, c'est une couple d'années, là, puis un bon petit split. Alors c'est ça. Là, on est rendu plus ou moins à mi-chemin de l'émission. Alors, je vais vous rappeler, évidemment, que vous écoutez l'émission sur le site web souspressionpunk.com ou bien à la radio à Ottawa ou à Yellowknife, au CHRO ou au CVR. Et on a une présence sur Facebook, facebook.com/souspression. Alors, allez checker ça. Évidemment, aussi courriel. Alors, si vous voulez envoyer de la musique, rentrer en contact avec moi, n'importe comment, whatever, n'importe quoi, là, des demandes spéciales, commentaires. info@commercialsouspressionpunk.com et c'est toujours le fun de recevoir des messages de vous. Et c'est ça, on va continuer avec le bloc sono mondial. Cette fois-ci, cette semaine, on s'en va en Allemagne. On va jouer deux morceaux par le groupe Abruch. On va jouer le morceau de leur album, pardon, Links Extreme. On va jouer le morceau Links Extreme et Absurditat. Alors voici du Abruch à Suppression. Chaos tut dir gut, Chaos tut mir gut und allen anderen auch. Ich bin doch lieber linksextrem als ein Teil vom Scheißsystem. Ja, ich bin lieber linksextrem als alles so Doch Ressourcen werden klar. Keine gleichen Chancen, nur die Reichen werden da. Das sieht doch jedes Kind, dass hier was nicht stimmt. Und es stimmt so manches Kind, weil hier was nicht stimmt. Da bin ich lieber linksextrem als ein Teil vom Scheißsystem. Ich bin doch lieber linksextrem als alles so hinzunehmen. Kapital, Ziel und der Religion. Ihr mit euren Regeln und dem Mangel an Verstand und was nicht stimmt. Da bin ich lieber linksextrem als ein Teil vom Scheißsystem. Ich bin doch lieber linksextrem als alles so hinzunehmen. Mit Feuer und Flamme gegen das Kapital, gegen Unterdrückung und den Bibelkanal. Der Mensch wird frei geboren, doch hier ist Status sein. Und wer eingesperrt ist, der wird den ersten Stein. Es ist nicht mein Land und es ist mein System. Ich soll es trotzdem leben, obwohl ich es verstehe. Überall die gleiche Kacke, wohin soll ich auch gehen? Und geht die Welt und dann wird es überall geschehen. Da bin ich lieber linksextrem als ein Teil vom Scheißsystem. Ich bin noch lieber linksextrem als alles so hinzunehmen. Sind. Wenn die Luft schwer wird und kein Vogel mehr singt, dann werden sie kommen und niemand kann mehr fliehen. Anarchie und Chaos, überall mein Ziel. Dann sind wir alle linksextrem und wir werden es nicht mehr hinnehmen. Ja, wir sind alle linksextrem und verbrennen euer Scheißsystem. Just. C'était à Brooke avec le morceau Lynch Extrême et Absurdita. T'as continué avec les bons à rien de leur album Advienne que pourri, le morceau Démocrasserie. Toujours la même. suis une réaction, la compassion en action, je veux une révolution. Faites-moi l'ennemi, le pari, le proscrit, je reste le guerrier. Participer. Tout médecin tout de suite. Ici voiture 3, je prends votre appel. Bon, là, notre temps ensemble est malheureusement terminé, là, mais je vais faire jouer un dernier morceau. Avant de faire ça, on va faire un retour sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a commencé avec les Bonariens, le groupe qui, cette année, fête le 25e anniversaire de leur album Advienne que pourri. On a écouté le morceau Démocraterie de cet album. Le groupe sera aussi en concert au Rockfest à Montebello un peu plus tard cet été. Après ça, du Akuma, de leur album « Descendre du désespoir », le morceau « Terroriste moi », l'Hermée Armotte aplatie, après ça avec « Fusil abdominable » de leur récent album « Flat Machat », c'était le morceau « Punk Rock Shot ». Après ça, on a écouté l'équipe, le morceau « Célina », « L'Exomile » avec « Le loup solitaire » et on vient de terminer avec du « Faux départ » de leur nouvel album « Au pied du mur », c'était le morceau « Doctissimo ». Alors, je vais vous laisser avec un dernier morceau, le groupe Rebinamé. Je vais vous faire jouer un morceau de leur album Qu'est-ce que tu fais du week-end, le morceau Tic Tac, et ça sera ça. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais faire